Livre 2, poème 1. 1er mai. Tout conjugue le verbe aimer. Voici les roses. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. 1er mai. L'amour, gai, triste, brûlant, jaloux, fait soupirer les bois, les nids, les fleurs, les loups. L'arbre où j'ai, l'autre automne, écrit une devise, la redit pour son compte et croit qu'il improvise. Les vieux antres pensifs, dont rit le gémeau au cœur, clignent leurs gros sourcils et font la bouche en cœur. L'atmosphère, embaumée et tendre, semble pleine des déclarations qu'au printemps fait la plaine et que l'herbe amoureuse adresse au ciel charmant. À chaque pas du jour, dans le bleu firmament, la campagne est perdue et toujours plus éprise, prodigue les senteurs et dans la tiède brise envoie au renouveau ses baisers odorants. Tous ces bouquets, azur, carmin, pourpre, safran, dont la laine s'envole en murmurant « je t'aime », sur le ravin, l'étang, le pré, le sillon même, font des taches partout, de toutes les couleurs. Et donnant les parfums, elle a gardé les fleurs, comme si ses soupirs et ses tendres missives au mois de mai, qui rit dans les branches lascives, et tous les billets doux de son amour bavard, avaient laissé leurs traces aux pages du buvard. Les oiseaux dans les bois, molles voix étouffées, chantent des triolets et des rondeaux, au fait. Tout semble confier à l'ombre un doux secret. Tout aime, et tout l'avoue à voix basse. On dirait qu'au nord, au sud brûlant, au couchant, à l'aurore, la haie en fleurs, le lierre et la source sonore, les monts, les champs, les lacs et les chênes mouvants, répètent un quatrain fait par les quatre vents.